L'île mystérieuse de Jules Verne, dit par Jean-François Ricoux pour audiocité.net. Seconde partie, l'abandonné, chapitre 4. Ce fut à 6 heures du matin que les colons, après un premier déjeuner, se remirent en route avec l'intention de gagner par le plus court la côte occidentale de l'île. En combien de temps pourraient-ils l'atteindre? Cyrus Smith avait dit en 2 heures, mais cela dépendait évidemment de la nature des obstacles qui se présenteraient. Cette partie du Far West paraissait serrée de bois, comme eût été un immense taillis composé d'essences extrêmement variées. Il était donc probable qu'il faudrait se frayer une voie à travers les herbes, les broussailles, les lianes, et marcher la hache à la main, et le fusil aussi sans doute, si on s'en rapportait aux cris de fauves entendus dans la nuit. La position exacte du campement avait pu être déterminée par la situation du mont Franklin, et puisque le volcan se relevait dans le nord à une distance de moins de 3 000, il ne s'agissait que de prendre une direction rectiligne vers le sud-ouest pour atteindre la côte occidentale. On partit après avoir soigneusement assuré l'amarrage de la pirogue. Pencroff et Nab emportaient des provisions qui devaient suffire à nourrir la petite troupe pendant 2 jours au moins. Il n'était plus question de chasser, et l'ingénieur recommanda même à ses compagnons d'éviter toute détonation intempestive afin de ne point signaler leur présence aux environs du littoral. Les premiers coups de hache furent donnés dans les broussailles, au milieu de buissons de lentisques, un peu au-dessus de la cascade, et sa boussole à la main, Cyrus Smith indiqua la route à suivre. La forêt se composait alors d'arbres dont la plupart avaient été déjà reconnus aux environs du lac et du plateau de Grande Vue. C'étaient des déodars, des douglas, des casuarinas, des gommiers, des eucalyptus, des dragonniers, des hibiscus, des cèdres et autres essences, généralement de taille médiocre, car leur nombre avait nuit à leur développement. Les colons ne purent donc avancer que lentement sur cette route qu'ils se frayaient en marchant, et qui, dans la pensée de l'ingénieur, devrait être reliée plus tard à celle du Creek Rouge. Depuis leur départ, les colons descendaient les basses rampes qui constituait le système orographique de l'île, et sur un terrain très sec, mais dont la luxuriante végétation laissait pressentir soit la présence d'un réseau hydrographique à l'intérieur du sol, soit le cours prochain de quelques ruisseaux. Toutefois, Cyrus Smith ne se souvenait pas, lors de son excursion au cratère, d'avoir reconnu d'autres cours d'eau que ceux du Creek Rouge et de la Mercy. Pendant les premières heures de l'excursion, on revit des bandes de singes qui semblaient marquer le plus vif étonnement à la vue de ces hommes dont l'aspect était nouveau pour eux. Gédéon Spilett demandait plaisamment si ces agiles et robustes quadrumanes ne les considéraient pas, ses compagnons et lui, comme des frères dégénérés. Et franchement, de simples piétons à chaque pas gênés par les broussailles, empêchés par les lianes, barrés par les troncs d'arbres, ne brillaient pas auprès de ces souples animaux qui bondissaient de branche en branche et que rien n'arrêtait dans leur marche. Ces singes étaient nombreux, mais très heureusement, ils ne manifestèrent aucune disposition hostile. On vit aussi quelques sangliers, des agoutis, des kangourous et autres rongeurs, et 2 ou 3 koulas, auquel Pencroff eut volontiers adressé quelques charges de plomb. « Mais, disait-il, la chasse n'est pas ouverte. Gambadez donc, mes amis, sautez et volez en paix. Nous vous dirons 2 mots au retour. » À 9h30 du matin, la route qui portait directement vers le sud-ouest se trouva tout à coup barrée par un cours d'eau inconnu, large de 30 à 40 pieds, et dont le courant, vif, provoqué par la pente de son lit, et brisés par des roches nombreuses, se précipitaient avec de rudes grondements. Ce creek était profond et clair, mais il eût été absolument innavigable. « Nous voilà coupés !» s'écria Nab. « Non, répondit Harbert, ce n'est qu'un ruisseau, et nous saurons bien le passer à la nage. » « À quoi bon ? » répondit Cyrus Smith. « Il est évident que ce creek court à la mer. Restons sur sa rive gauche, suivons sa berge, et je serais bien étonné s'il ne nous mène pas promptement à la côte. En route !»« Un instant, dit le reporter. Et le nom de ce creek, mes amis ? Ne laissons pas notre géographie incomplète. » « Juste, dit Pencroff. Nomme-le, mon enfant, dit l'ingénieur en s'adressant au jeune garçon. « Ne vaut-il pas mieux attendre que nous l'ayons reconnu jusqu'à son embouchure ?» fit observer Harbert. « Soit, répondit Cyrus Smith. Suivons-le donc sans nous arrêter. »« Un instant encore, dit Pencroff. Qu'y a-t-il ? Demanda le reporter. « Si la chasse est défendue, la pêche est permise, je suppose, dit le marin. « Nous n'avons pas de temps à perdre, répondit l'ingénieur. « Oh, 5 minutes, répliqua Pencroff. « Je ne vous demande que 5 minutes dans l'intérêt de notre déjeuner. » Et Pencroff, se couchant sur la berge, plongea ses bras dans les eaux vives et fit bientôt sauter quelques douzaines de belles écrevisses qui fourmillaient entre les roches. « Voilà qui sera bon !» s'écria Nab en venant en aide au marin. « Mais je vous dis qu'excepté le tabac, il y a de tout dans cette île !» murmura Pencroff avec un soupir. Il ne fallut pas 5 minutes pour faire une pêche miraculeuse, car les écrevisses pullulaient dans le creek. De ces crustacés, dont le teste présentait une couleur bleue cobalt et qui portait un rostre armé d'une petite dent, on remplit un sac et la route fut reprise. Depuis qu'ils suivaient la berge de ce nouveau cours d'eau, les colons marchaient plus facilement et plus rapidement. D'ailleurs, les rives étaient vierges de toute empreinte humaine. De temps en temps, on relevait quelques traces laissées par des animaux de grande taille qui venaient habituellement se désaltérer à ce ruisseau. Mais rien de plus, et ce n'était pas encore dans cette partie du Far West que le pécari avait reçu le grain de plomb qui coûtait une mâchelière à Pencroff. Cependant, en considérant ce rapide courant qui fuyait vers la mer, Cyrus Smith fut amené à supposer que ses compagnons et lui étaient beaucoup plus loin de la côte occidentale qu'il ne le croyait. Et, en effet, à cette heure, la marée montait sur le littoral et aurait dû rebrousser le cours du creek si son embouchure n'eût été qu'à quelques milles seulement. Or, cet effet ne se produisait pas, et le fil de l'eau suivait la pente naturelle du lit. L'ingénieur dut donc être très étonné, et il consulta fréquemment sa boussole, afin de s'assurer que quelque crochet de la rivière ne le ramenait pas à l'intérieur du Far West. Cependant, le creek s'élargissait peu à peu, et ses eaux devenaient moins tumultueuses. Les arbres de sa rive droite étaient aussi pressés que ceux de sa rive gauche, et il était impossible à la vue de s'étendre au-delà. Mais ces masses boisées étaient certainement désertes, car Top n'aboyait pas, et l'intelligent animal n'eût pas manqué de signaler la présence de tout étranger dans le voisinage du cours d'eau. À 10h30, à la grande surprise de Cyrus Smith, Harbert, qui s'était porté en avant, s'arrêtait soudain et s'écriait « La mer !» Et quelques instants après, les colons, arrêtés sur la lisière de la forêt, voyaient le rivage occidental de l'île se développer sous leurs yeux. Mais quel contraste entre cette côte et la côte est, sur laquelle le hasard les avait d'abord jetés. Plus de murailles de granit, aucun écueil au large, pas même une grève de sable. La forêt formait le littoral, et ses derniers arbres, battus par les lames, se penchaient sur les eaux. Ce n'était point un littoral, tel que le fait habituellement la nature, soit en étendant de vastes tapis de sable, soit en groupant des roches, mais une admirable lisière faite des plus beaux arbres du monde. La berge était surélevée de manière à dominer le niveau des plus grandes mers, et surtout ce sol luxuriant, supporté par une base de granit, les splendides essences forestières semblaient être aussi solidement implantées que celles qui se massaient à l'intérieur de l'île. Les colons se trouvaient alors à l'échancrure d'une petite crique sans importance, et qui n'eût même pas pu contenir deux ou trois barques de pêche, et qui servait de goulot au nouveau creek. Mais, disposition curieuse, ces eaux, au lieu de se jeter à la mer par une embouchure à pente douce, tombaient d'une hauteur de plus de 40 pieds, ce qui expliquait pourquoi, à l'heure où le flot montait, il ne s'était point fait sentir en amont du creek. En effet, les marées du Pacifique, même à leur maximum d'élévation, ne devaient jamais atteindre le niveau de la rivière, dont le lit formait comme un bief supérieur, et des millions d'années sans doute s'écouleraient encore avant que les eaux eussent rongé ce radier de granit et creusé une embouchure praticable. Aussi, d'un commun accord, donna-t-on à ce cours d'eau le nom de rivière de la chute. Au-delà, vers le nord, la lisière, formée par la forêt, se prolongeait sur un espace de 2 milles environ. Puis les arbres se raréfiaient et, au-delà, des hauteurs très pittoresques se dessinaient, suivant une ligne presque droite, qui courait nord et sud. Au contraire, dans toute la portion du littoral, comprise entre la rivière de la chute et le promontoire du Reptile, ce n'était que masses boisées, arbres magnifiques, les uns droits, les autres penchés, dont la longue ondulation de la mer venait baigner les racines. Or, c'était vers ce côté, c'est-à-dire sur toute la presqu'île serpentine, que l'exploration devait être continuée, car cette partie du littoral offrait des refuges que l'autre, aride et sauvage, eût évidemment refusé à des naufragés, quels qu'ils fussent. Le temps était beau et clair, et du haut d'une falaise, sur laquelle Nab et Pencroff disposèrent le déjeuner, le regard pouvait s'étendre au loin. L'horizon était parfaitement net, et il n'y avait pas une voile au large. Sur tout le littoral, aussi loin que la vue pouvait atteindre, pas un bâtiment, pas même une épave. Mais l'ingénieur ne se croirait bien fixé à cet égard que lorsqu'il aurait exploré la côte jusqu'à l'extrémité même de la presqu'île serpentine. Le déjeuner fut expédié rapidement, et à 11h30, Cyrus Smith donna le signal du départ. Au lieu de parcourir soit l'arête d'une falaise, soit une grève de sable, les colons durent suivre le couvert des arbres de manière à longer le littoral. La distance qui séparait l'embouchure de la rivière de la chute du promontoire du Reptile était de 12 000 environ. En 4 heures, sur une grève praticable et sans se presser, les colons auraient pu franchir cette distance. Mais il leur fallut le double de ce temps pour atteindre leur but, car les arbres à tourner, les broussailles à couper, les lianes à rompre, les arrêtaient sans cesse, et les détours si multipliés allongeaient singulièrement leur route. Du reste, il n'y avait rien qui témoignât d'un naufrage récent sur ce littoral. Il est vrai, ainsi que le fit observer Gédéon Spilett, que la mer avait pu tout entraîner au large, et qu'il ne fallait pas conclure, de ce qu'on n'en trouvait plus aucune trace, qu'un navire n'eût pas été jeté à la côte sur cette partie de l'île Lincoln. Le raisonnement du reporter était juste, et, d'ailleurs, l'incident du grain de plomb prouvait d'une façon irrécusable que, depuis 3 mois au plus, un coup de fusil avait été tiré dans l'île. Il était déjà 5 heures, et l'extrémité de la presqu'île serpentine se trouvait encore à 2 milles de l'endroit alors occupé par les colons. Il était évident, qu'après avoir atteint le promontoire du reptile, Cyrus Smith et ses compagnons n'auraient plus le temps de revenir avant le coucher du soleil au campement qui avait été établi près des sources de la Mercy. De là, nécessité de passer la nuit au promontoire même. Mais les provisions ne manquaient pas, et ce fut heureux, car le gibier de poil ne se montrait plus sur cette lisière, qui n'était qu'un littoral après tout. Au contraire, les oiseaux y fourmillaient, jacamars, couroucous, tragopans, tétras, loris, perroquets, cacatoès, faisans, pigeons et cent autres. Pas un arbre qui n'eût un nid, pas un nid qui ne fût rempli de battements d'ailes. Vers 7 heures du soir, les colons, harassés de fatigue, arrivèrent au promontoire du reptile, sorte de volute étrangement découpée sur la mer. Ici finissait la forêt riveraine de la presqu'île, et le littoral, dans toute la partie sud, reprenait l'aspect accoutumé d'une côte, avec ses rochers, ses récifs et ses grèves. Il était donc possible qu'un navire désemparé se fût mis au plein sur cette portion de l'île, mais la nuit venait, et il fallut remettre l'exploration au lendemain. Pencroff et Harbert se hâtèrent aussitôt de chercher un endroit propice pour y établir un campement. Les derniers arbres de la forêt du Far West venaient mourir à cette pointe, et parmi eux, le jeune garçon reconnut d'épais bouquets de bambous. « Bon, dit-il, voilà une précieuse découverte. »« Précieuse, répondit Pencroff. »« Sans doute, reprit Harbert, je ne te dirai point, Pencroff, que l'écorce de bambou, découpée en lattes flexibles, sert à faire des paniers ou des corbeilles. Que cette écorce, réduite en pâte et macérée, sert à la fabrication du papier de Chine. Que les tiges fournissent, suivant leur grosseur, des cannes, des tuyaux de pipe, des conduites pour les eaux. Que les grands bambous forment d'excellents matériaux de construction, légers et solides, et qui ne sont jamais attaqués par les insectes. Je n'ajouterai même pas qu'en sciant les entre-nœuds de bambou et en conservant pour le fond une portion de la cloison transversale qui forme le nœud, on obtient ainsi des vases solides et commodes qui sont fort en usage chez les Chinois. Non, cela ne te satisferait point. Mais je t'apprendrai, si tu l'ignores, que, dans l'Inde, on mange ces bambous en guise d'asperges. Des asperges de 30 pieds, s'écria le marin. Et elles sont bonnes? Excellentes, répondit Harbert. Seulement, ce ne sont point les tiges de 30 pieds que l'on mange, mais bien de jeunes pousses de bambou. Parfait, mon garçon, parfait, répondit Pencroff. J'ajouterai aussi que la moelle des tiges nouvelles, confite dans du vinaigre, forme un condiment très apprécié. De mieux en mieux, Harbert. Et enfin que ces bambous exsudent entre leurs nœuds une liqueur sucrée dont on peut faire une très agréable boisson. Est-ce tout ? Demanda le marin. C'est tout. Et ça ne se fume pas par hasard ? Ça ne se fume pas, mon pauvre Pencroff. Herbert et le marin n'eurent pas à chercher longtemps un emplacement favorable pour passer la nuit. Les rochers du rivage, très divisés car ils devaient être violemment battus par la mer sous l'influence des vents du sud-ouest, présentaient des cavités qui devaient leur permettre de dormir à l'abri des intempéries de l'air. Mais au moment où ils se disposaient à pénétrer dans une de ces excavations, de formidables rugissements les arrêtèrent. « En arrière ! S'écria Pencroff. Nous n'avons que du petit plomb dans nos fusils. Et des bêtes qui rugissent si bien s'en soucieraient comme d'un grain de sel. » Et le marin, saisissant Harbert par le bras, l'entraîna à l'abri des roches, au moment où un magnifique animal se montrait à l'entrée de la caverne. C'était un jaguar, d'une taille au moins égale à celle de ses congénères d'Asie, c'est-à-dire qu'il mesurait plus de 5 pieds de l'extrémité de la tête à la naissance de la queue. Son pelage fauve était relevé par plusieurs rangées de taches noires régulièrement ocellées et tranchait avec le poil blanc de son ventre. Harbert reconnut là ce féroce rival du tigre bien autrement redoutable que le cougar, qui n'est que le rival du loup. Le jaguar s'avança et regarda autour de lui, le poil hérissé, l'œil en feu, comme s'il n'eût pas senti l'homme pour la première fois. En ce moment, le reporter tournait les hautes roches, et Harbert, s'imaginant qu'il n'avait pas aperçu le jaguar, allait s'élancer vers lui, mais Gédéon Spilett lui fit un signe de la main et continua de marcher. Il n'en était pas à son premier tigre, et, s'avançant jusqu'à 10 pas de l'animal, il demeura immobile, la carabine à l'épaule, sans qu'un de ses muscles tressaillît. Le jaguar, ramassé sur lui-même, fondit sur le chasseur, mais au moment où il bondissait, une balle le frappait entre les deux yeux, et il tombait mort. Harbert et Pencroff se précipitèrent vers le jaguar. Nab et Cyrus Smith accoururent de leur côté, et ils restèrent quelques instants à contempler l'animal étendu sur le sol, dont la magnifique dépouille ferait l'ornement de la grande salle de Granite House. « Ah, monsieur Spilett, que je vous admire et que je vous envie !» s'écria Harbert dans un accès d'enthousiasme bien naturel. « Bon, mon garçon, répondit le reporter, tu en aurais fait autant. Moi, un pareil sang-froid. Figure-toi, Harbert, qu'un jaguar est un lièvre, et tu le tireras le plus tranquillement du monde. » « Voilà, répondit Pencroff, ce n'est pas plus malin que cela. » « Et maintenant, dit Gédéon Spilett, puisque le jaguar a quitté son repère, je ne vois pas, mes amis, pourquoi nous ne l'occuperions pas pendant la nuit. »« Mais d'autres peuvent revenir, dit Pencroff. » « Il suffira d'allumer un feu à l'entrée de la caverne, dit le reporter, et ils ne se hasarderont pas à en franchir le seuil. »« À la maison des jaguars, alors, répondit le marin, en tirant après lui le cadavre de l'animal. » Les colons se dirigèrent vers le repère abandonné, et là, tandis que Nab dépouillait le jaguar, ses compagnons entassèrent sur le seuil une grande quantité de bois sec que la forêt fournissait abondamment. Mais Cyrus Smith, ayant aperçu le bouquet de bambou, alla en couper une certaine quantité, qu'il mêla au combustible du foyer. Cela fait, on s'installa dans la grotte dont le sable était jonché d'ossements, les armes furent chargées à tout hasard, pour le cas d'une agression subite, on soupa, et puis, le moment de prendre du repos étant venu, le feu fut mis au tas de bois empilés à l'entrée de la caverne. Aussitôt, une véritable pétarade d'éclater dans l'air. C'étaient les bambous atteints par la flamme qui détonnaient comme des pièces d'artifice. Rien que ce fracas eût suffi à épouvanter les fauves les plus audacieux. Et ce moyen de provoquer de vives détonations, ce n'était pas l'ingénieur qui l'avait inventé, car, suivant Marco Polo, les Tartares, depuis bien des siècles, l'employaient avec succès pour éloigner de leur campement les fauves redoutables de l'Asie centrale. Chapitre 5. Cyrus Smith et ses compagnons dormirent comme d'innocentes marmottes dans la caverne que le jaguar avait si poliment laissée à leur disposition. Au soleil levant, tous étaient sur le rivage, à l'extrémité même du promontoire, et leurs regards se portaient encore vers cet horizon qui était visible sur les deux tiers de sa circonférence. Une dernière fois, l'ingénieur put constater qu'aucune voile, aucune carcasse de navire n'apparaissait sur la mer, et la longue vue n'y put découvrir aucun point suspect. Rien non plus sur le littoral, du moins dans la partie rectiligne qui formait la côte sud du promontoire, sur une longueur de 3 milles, car, au-delà, une échancrure des terres dissimulait le reste de la côte, et même, de l'extrémité de la presqu'île serpentine, on ne pouvait apercevoir le cap Griffe, caché par de hautes roches. Restait donc le rivage méridional de l'île à explorer. Or, tenterait-on d'entreprendre immédiatement cette exploration, et lui consacrerait-on cette journée du 2 novembre?

qui mettait sa puissance au service des naufragés. En quelques coups d'aviron, les colons arrivèrent à l'embouchure de la Mercy. Le canot fut halé sur la grève jusqu'auprès des cheminées, et tous se dirigèrent vers l'échelle de Granite House. Mais, en ce moment, Top aboya avec colère, et Nab, qui cherchait le premier échelon, poussa un cri. Il n'y avait plus d'échelle. Chapitre 6. Cyrus Smith s'était arrêté sans dire mot. Ses compagnons cherchèrent dans l'obscurité, aussi bien sur les parois de la muraille, pour le cas où le vent eût déplacé l'échelle, qu'au ras du sol, pour le cas où elle se fût détachée. Mais l'échelle avait absolument disparu. Quant à reconnaître si une bourrasque l'avait relevée jusqu'au premier palier, à mi-paroi, cela était impossible dans cette nuit profonde. « Si c'est une plaisanterie, s'écria Pencroff, elle est mauvaise. Arriver chez soi et ne plus trouver d'escalier pour monter à sa chambre, cela n'est pas pour faire rire des gens fatigués. » Nab, lui, se perdait en exclamations. « Il n'a pas pourtant fait de vent, » fit observer Harbert. « Je commence à trouver qu'il se passe des choses singulières dans l'île Lincoln, » dit Pencroff. « Singulière ?» répondit Gédéon Spilett. « Mais non, Pencroff, rien n'est plus naturel. Quelqu'un est venu pendant notre absence, a pris possession de la demeure et a retiré l'échelle. »« Quelqu'un ?» s'écria le marin. « Et qui donc ?»« Mais le chasseur au grain de plomb, » répondit le reporter. « À quoi servirait-il, si ce n'est à expliquer notre mésaventure ?»« Eh bien, s'il y a quelqu'un là-haut, » répondit Pencroff en jurant, car l'impatience commençait à le gagner, « je vais le héler et il faudra bien qu'il réponde. » Et d'une voix de tonnerre, le marin fit entendre un « ohé » prolongé, que les échos répercutèrent avec force. Les colons prêtèrent l'oreille, et ils crurent entendre à la hauteur de Granite House une sorte de ricanement, dont ils ne purent reconnaître l'origine. Mais aucune voix ne répondit à la voix de Pencroff, qui recommença inutilement son vigoureux appel. Il y avait là véritablement de quoi stupéfier les hommes les plus indifférents du monde, et les colons ne pouvaient être ces indifférents-là. Dans la situation où ils se trouvaient, tout incident avait sa gravité, et certainement depuis 7 mois qu'ils habitaient l'île, aucun ne s'était présenté avec un caractère aussi surprenant. Quoi qu'il en soit, oubliant leur fatigue et dominés par la singularité de l'événement, ils étaient au pied de Granite House, ne sachant que penser, ne sachant que faire, s'interrogeant sans pouvoir se répondre, multipliant des hypothèses toutes plus inadmissibles les unes que les autres. Nab se lamentait, très désappointé de ne pouvoir rentrer dans la cuisine, d'autant plus que les provisions de voyage étaient épuisées et qu'il n'avait aucun moyen de les renouveler en ce moment. « Mes amis, dit Cyrus Smith, nous n'avons qu'une chose à faire, attendre le jour, et agir alors suivant les circonstances. Mais pour attendre, allons aux cheminées. Là, nous serons à l'abri, et si nous ne pouvons souper, du moins, nous pourrons dormir. » « Mais quel est le sans-gêne qui nous a joué ce tour-là ? » demanda encore une fois Pencroff, incapable de prendre son parti de l'aventure. Quel que fût le sans-gêne, la seule chose à faire était, comme l'avait dit l'ingénieur, de regagner les cheminées et d'y attendre le jour. Toutefois, ordre fut donné à Top de demeurer sous les fenêtres de Granite House, et quand Top recevait un ordre, Top l'exécutait sans faire d'observation. Le brave chien resta donc au pied de la muraille, pendant que son maître et ses compagnons se réfugiaient dans les roches. De dire que les colons, malgré leur lassitude, dormirent bien sur le sable des cheminées, cela serait altérer la vérité. Non seulement ils ne pouvaient qu'être fort anxieux de reconnaître l'importance de ce nouvel incident, soit qu'il fût le résultat d'un hasard dont les causes naturelles leur apparaîtraient au jour, soit au contraire qu'il fût l'œuvre d'un être humain, mais encore ils étaient fort mal couchés. Quoi qu'il en soit, d'une façon ou d'une autre, leur demeure était occupée en ce moment, et ils ne pouvaient la réintégrer. Or, Granite House, c'était plus que leur demeure, c'était leur entrepôt. Là était tout le matériel de la colonie, armes, instruments, outils, munitions, réserves de vivres, etc. Que tout cela fût pillé, et les colons auraient à recommencer leur aménagement, à refaire armes et outils, chose grave. Aussi, cédant à l'inquiétude, l'un ou l'autre sortait-il à chaque instant pour voir si Top faisait bonne garde. Seul, Cyrus Smith attendait avec sa patience habituelle, bien que sa raison tenace s'exaspérât de se sentir en face d'un fait absolument inexplicable, et il s'indignait en songeant qu'autour de lui, au-dessus de lui peut-être, s'exerçait une influence à laquelle il ne pouvait donner un nom. Gédéon Spilett partageait absolument son opinion à cet égard, et tous deux s'entreprirent à plusieurs reprises, mais à mi-voix, des circonstances inexplicables qui mettaient en défaut leur perspicacité et leur expérience. Il y avait à coup sûr un mystère dans cette île, et comment le pénétrer? Harbert, lui, ne savait qu'imaginer, et eût aimé à interroger Cyrus Smith. Quant à Nab, il avait fini par se dire que tout cela ne le regardait pas, que cela regardait son maître, et s'il n'eût pas craint de désobliger ses compagnons, le brave nègre aurait dormi cette nuit-là tout aussi consciencieusement que s'il eût reposé sur la couchette de Granite House. Enfin, plus que tous, Pencroff enrageait, et il était, de bonne foi, fort en colère. « C'est une farce, disait-il. C'est une farce qu'on nous a faite. Eh bien, je n'aime pas les farces, moi, et malheur aux farceurs s'ils tombent sous ma main. » Dès que les premières lueurs du jour s'élevèrent dans l'est, les colons, convenablement armés, se rendirent sur le rivage, à la lisière des récifs. Granite House, frappé directement par le soleil levant, ne devait pas tarder à s'éclairer des lumières de l'aube, et en effet, avant 5 heures, les fenêtres dont les volets étaient clos apparurent à travers leurs rideaux de feuillage. De ce côté, tout était en ordre, mais un cri s'échappa de la poitrine des colons quand ils aperçurent toute grande ouverte la porte qu'ils avaient fermée cependant avant leur départ. Quelqu'un s'était introduit dans Granite House. Il n'y avait plus à en douter. L'échelle supérieure, ordinairement tendue du palier à la porte, était à sa place. Mais l'échelle inférieure avait été retirée et relevée jusqu'au seuil. Il était plus qu'évident que les intrus avaient voulu se mettre à l'abri de toute surprise. Quant à reconnaître leur espèce et leur nombre, ce n'était pas possible encore, puisqu'aucun d'eux ne se montrait. Pencroff est là de nouveau. Pas de réponse. « Les gueux !» s'écria le marin. « Voilà-t-il pas qu'ils dorment tranquillement, comme s'ils étaient chez eux ?»« Ouais, pirates, bandits, corsaires, fils de John Bull !» Comme Pencroff, en sa qualité d'Américain, avait traité quelqu'un de « fils de John Bull », il s'était élevé jusqu'aux dernières limites de l'insulte. En ce moment, le jour se fit complètement, et la façade de Granite House s'illumina sous les rayons du soleil. Mais à l'intérieur comme à l'extérieur, tout était muet et calme. Les colons en étaient à se demander si Granite House était occupé ou non, et pourtant la position de l'échelle le démontrait suffisamment, et il était même certain que les occupants, quels qu'ils fussent, n'avaient pu s'enfuir. Mais comment arriver jusqu'à eux? Harbert eut alors l'idée d'attacher une corde à une flèche, et de lancer cette flèche de manière qu'elle vînt passer entre les premiers barreaux de l'échelle qui pendait au seuil de la porte. On pourrait alors, au moyen de la corde, dérouler l'échelle jusqu'à terre et rétablir la communication entre le sol et Granite House. Il n'y avait évidemment pas autre chose à faire, et avec un peu d'adresse, le moyen devait réussir. Très heureusement, arcs et flèches avaient été déposés dans un couloir des cheminées, où se trouvaient aussi quelques vingtaines de brasses d'une légère corde d'hibiscus. Pencroff déroula cette corde, dont il fixa le bout à une flèche bien empennée. Puis, Harbert, après avoir placé la flèche sur son arc, visa avec un soin extrême l'extrémité pendante de l'échelle. Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Pencroff et Nab s'étaient retirés en arrière de façon à observer ce qui se passerait aux fenêtres de Granite House. Le reporter, la carabine à l'épaule, ajustait la porte. L'arc se détendit, la flèche siffla, entraînant la corde, et vint passer entre les deux derniers échelons. L'opération avait réussi. Aussitôt, Harbert saisit l'extrémité de la corde, mais au moment où il donnait une secousse pour faire retomber l'échelle, un bras, passant vivement entre le mur et la porte, la saisit et la ramena au-dedans de Granite House. « Triple gueux !» s'écria le marin. « Si une balle peut faire ton bonheur, tu n'attendras pas longtemps. » « Mais qui est-ce donc ?» demanda Nab. « Qui ? Tu n'as pas reconnu ?»« Non. »« Mais c'est un singe, un macaque, un sapajou, une guenon, un orang, un babouin, un gorille, un sagouin. Notre demeure a été envahie par des singes qui ont grimpé par l'échelle pendant notre absence. » Et, en ce moment, comme pour donner raison aux marins, trois ou quatre quadrumanes se montraient aux fenêtres dont ils avaient repoussé les volets, et saluait les véritables propriétaires du lieu de mille contorsions et grimaces. « Je savais bien que ce n'était qu'une farce, s'écria Pencroff, mais voilà un des farceurs qui paiera pour les autres. » Le marin, épaulant son fusil, ajusta rapidement un des singes et fit feu. Tous disparurent, sauf l'un d'eux, qui, mortellement frappé, fut précipité sur la grève. Ce singe, de haute taille, appartenait au premier ordre des quadrumanes, on ne pouvait s'y tromper. Que ce fût un chimpanzé, un orang, un gorille ou un gibbon, ils prenaient rang parmi les anthropomorphes, ainsi nommés à cause de leur ressemblance avec les individus de race humaine. D'ailleurs, Harbert déclara que c'était un orang-outan, et l'on sait que le jeune garçon se connaissait en zoologie. « La magnifique bête !» s'écria Nab. « Magnifique tant que tu voudras !» répondit Pencroff. « Mais je ne vois pas encore comment nous pourrons rentrer chez nous. »« Harbert est bon tireur !» dit le reporter, « et son arc est là, qu'il recommence. »« Bon, ces singes-là sont malins !» s'écria Pencroff. « Et ils ne se remettront pas aux fenêtres, et nous ne pourrons pas les tuer. Et quand je pense aux dégâts qu'ils peuvent commettre dans les chambres, dans le magasin, « de la patience, » répondit Cyrus Smith, « ces animaux ne peuvent nous tenir longtemps en échec. »« Je n'en serai sûr que quand ils seront à terre, » répondit le marin. « Et d'abord, savez-vous, monsieur Smith, combien il y en a de douzaines là-haut de ces farceurs-là ?» Il eût été difficile de répondre à Pencroff, et quant à recommencer la tentative du jeune garçon, c'était peu aisé, car l'extrémité inférieure de l'échelle avait été ramenée en dedans de la porte. Et quand on alla de nouveau sur la corde cassa, et l'échelle ne retomba point. Le cas était véritablement embarrassant. Pencroff rageait. La situation avait un certain côté comique qu'il ne trouvait pas drôle du tout pour sa part. Il était évident que les colons finiraient par réintégrer leur domicile et en chasser les intrus, mais quand et comment, voilà ce qu'il n'aurait pu dire. 2 heures se passèrent, pendant lesquelles les singes évitèrent de se montrer. Mais ils étaient toujours là, et 3 ou 4 fois, un museau ou une patte se glissèrent par la porte ou les fenêtres, qui furent salués de coups de fusil. « Dissimulons-nous, » dit alors l'ingénieur, « peut-être les singes nous croiront-ils partis et se laisseront-ils voir de nouveau. » Mais que Spilett et Harbert s'embusquent derrière les roches et feu sur tout ce qui apparaîtra. Les ordres de l'ingénieur furent exécutés Et pendant que le reporter et le jeune garçon, les deux plus adroits tireurs de la colonie, se postaient à bonne portée, mais hors de la vue des singes, Nab, Pencroff et Cyrus Smith gravissaient le plateau et gagnaient la forêt pour tuer quelques gibiers, car l'heure du déjeuner était venue, et en fait de vivres, il ne restait plus rien. Au bout d'une demi-heure, les chasseurs revinrent avec quelques pigeons de roche, que l'on fit rôtir tant bien que mal. Pas un singe n'avait reparu. Gédéon Spilett et Harbert allèrent prendre leur part du déjeuner, pendant que Top veillait sous les fenêtres. Puis, après avoir mangé, ils retournèrent à leur poste. 2 heures plus tard, la situation ne s'était encore aucunement modifiée. Les quadrumanes ne donnaient plus aucun signe d'existence, et c'était à croire qu'ils avaient disparu. Mais ce qui paraissait le plus probable, c'est qu'effrayés par la mort de l'un d'eux, épouvantés par les détonations des armes, ils se tenaient quoi au fond des chambres de Granite House, ou même dans le magasin. Et quand on songeait aux richesses que renfermait ce magasin, la patience, tant recommandée par l'ingénieur, finissait par dégénérer en violente irritation, et franchement, il y avait de quoi. « Décidément, c'est trop bête, » dit enfin le reporter, « et il n'y a vraiment pas de raison pour que cela finisse. »« Il faut pourtant faire déguerpir ces chenapans-là, » s'écria Pencroff. « Nous en viendrions bien à bout, quand même ils seraient une vingtaine. » Mais pour cela, il faut les combattre corps à corps. Ah ça, n'y a-t-il donc pas un moyen d'arriver jusqu'à eux ? Si, répondit alors l'ingénieur, dont une idée venait de traverser l'esprit. Hein ? Dit Pencroff. Eh bien, c'est le bon, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Et quel est-il ? Essayons de redescendre à Granite House par l'ancien déversoir du lac, répondit l'ingénieur. Ah, mille et mille diables ! S'écria le marin. Et je n'ai pas pensé à cela. C'était en effet le seul moyen de pénétrer dans Granite House, afin d'y combattre la bande et de l'expulser. L'orifice du déversoir était, il est vrai, fermé par un mur de pierre cimentée qu'il serait nécessaire de sacrifier. Mais on en serait quitte pour le refaire. Heureusement, Cyrus Smith n'avait pas encore effectué son projet de dissimuler cet orifice en le noyant sous les eaux du lac, car alors l'opération eût demandé un certain temps. Il était déjà plus de midi quand les colons, bien armés et munis de piques et de pioches, quittèrent les cheminées, passèrent sous les fenêtres de Granite House, après avoir ordonné à Top de rester à son poste, et se disposèrent à remonter la rive gauche de la Mercy afin de gagner le plateau de Grande Vue. Mais ils n'avaient pas fait 50 pas dans cette direction qu'ils entendirent les aboiements furieux du chien. C'était comme un appel désespéré. Ils s'arrêtèrent. « Courons, » dit Pencroff, « et tous de redescendre la berge à toutes jambes. » Arrivés au tournant, ils virent que la situation avait changé. En effet, les singes, pris d'un effroi subit provoqué par quelque cause inconnue, cherchaient à s'enfuir. 2 ou 3 couraient et sautaient d'une fenêtre à l'autre avec une agilité de clown. Ils ne cherchaient même pas à replacer l'échelle par laquelle il leur eût été facile de descendre, et dans leur épouvante, peut-être avaient-ils oublié ce moyen de déguerpir. Bientôt, 5 ou 6 furent en position d'être tirés, et les colons, les visant à l'aise, firent feu. Les uns, blessés ou tués, retombèrent au-dedans des chambres en poussant des cris aigus. Les autres, précipités au dehors, se brisèrent dans leur chute, et, quelques instants après, on pouvait supposer qu'il n'y avait plus un quadrumane vivant dans Granite House. « Hurrah ! » s'écria Pencroff. « Hurrah ! Hurrah ! » !»« Pas tant de hurrah !» dit Gédéon Spilett. « Pourquoi ? Ils sont tous tués !» répondit le marin. « D'accord, mais cela ne nous donne pas le moyen de rentrer chez nous. »« Allons au déversoir, » répliqua Pencroff. « Sans doute, » dit l'ingénieur, « cependant, il eût été préférable. » En ce moment, et comme une réponse faite à l'observation de Cyrus Smith, on vit l'échelle glisser sur le seuil de la porte, puis se dérouler et retomber jusqu'au sol. « Ah, mille pipes, voilà qui est fort !» s'écria le marin en regardant Cyrus Smith. « Trop fort !» murmura l'ingénieur, qui s'élança le premier sur l'échelle. « Prenez garde, monsieur Cyrus !» s'écria Pencroff. « S'il y a encore quelques-uns de ces sagouins... »« Nous verrons bien !» répondit l'ingénieur sans s'arrêter. Tous ses compagnons le suivirent, et, en une minute, ils étaient arrivés au seuil de la porte. On chercha partout, personne dans les chambres, ni dans le magasin qui avait été respecté par la bande des quadrumanes. « Ah ça ! Et l'échelle ! » répondit le marin. « Quel est donc le gentleman qui nous l'a renvoyé ?» Mais, en ce moment, un cri se fit entendre, et un grand singe, qui s'était réfugié dans le couloir, se précipita dans la salle, poursuivi par Nab. « Ah, le bandit ! » s'écria Pencroff. Et, la hache à la main, il allait fendre la tête de l'animal, lorsque Cyrus Smith l'arrêta et lui dit « Épargnez-le, Pencroff !»« Que je fasse grâce à ce moricaud ?»« Oui, c'est lui qui nous a jeté l'échelle. » Et l'ingénieur dit cela d'une voix si singulière qu'il eût été difficile de savoir s'il parlait sérieusement ou non. Néanmoins, on se jeta sur le singe qui, après s'être défendu vaillamment, fut terrassé et garrotté. « Ouf !» s'écria Pencroff. « Et qu'est-ce que nous en ferons maintenant ?»« Un domestique !» répondit Harbert. Et en parlant ainsi, le jeune garçon ne plaisantait pas tout à fait, car il savait le parti que l'on peut tirer de cette race intelligente des quadrumanes. Les colons s'approchèrent alors du singe et le considérèrent attentivement. Il appartenait bien à cette espèce des anthropomorphes, dont l'angle facial n'est pas sensiblement inférieur à celui des Australiens et des Hottentots. C'était un orang, et qui, comme tel, n'avait ni la férocité du babouin, ni l'irréflexion du macaque, ni la malpropreté du sagouin, ni les impatiences du magot, ni les mauvais instincts du cynocéphale. C'est à cette famille des anthropomorphes que se rapportent tant de traits qui indiquent chez ces animaux une intelligence quasi-humaine. Employés dans les maisons, ils peuvent servir table, nettoyer les chambres, soigner les habits, cirer les souliers, manier adroitement le couteau, la cuillère et la fourchette, et même boire du vin, tout aussi bien que le meilleur domestique à deux pieds sans plumes. On sait que Buffon posséda un de ces singes qui le servit longtemps comme un serviteur fidèle et zélé. Celui qui était alors garrotté dans la salle de Granite House était un grand diable, haut de 6 pieds, corps admirablement proportionné, poitrine large, tête de grosseur moyenne, angle facial atteignant 65 degrés, crâne arrondi, nez saillant, peau recouverte d'un poil poli, doux et luisant, enfin un type accompli des anthropomorphes. Ses yeux, un peu plus petits que des yeux humains, brillaient d'une intelligente vivacité, ses dents blanches resplendissaient sous sa moustache, et il portait une petite barbe frisée de couleur noisette. « Un beau gars !» dit Pencroff. « Si seulement on connaissait sa langue, on pourrait lui parler. » « Ainsi, dit Nab, c'est sérieux, mon maître? Nous allons le prendre comme domestique ?»« Oui, Nab, répondit en souriant l'ingénieur, mais ne sois pas jaloux. Et j'espère qu'il fera un excellent serviteur, ajouta Harbert. Il paraît jeune, son éducation sera facile, et nous ne serons pas obligés pour le soumettre d'employer la force, ni de lui arracher les canines, comme on fait en pareille circonstance. » Il ne peut que s'attacher à des maîtres qui seront bons pour lui. Et on le sera, répondit Pencroff, qui avait oublié toute sa rancune contre les farceurs. Puis, s'approchant de l'orang, eh bien, mon garçon, lui demanda-t-il, comment cela va-t-il? L'orang répondit par un petit grognement qui ne dénotait pas trop de mauvaise humeur. Nous voulons donc faire partie de la colonie? Demanda le marin. « Nous allons donc entrer au service de Monsieur Cyrus Smith ?» Nouveau grognement approbateur du singe. « Et nous nous contenterons de notre nourriture pour tout gage ?» Troisième grognement affirmatif. Sa conversation est un peu monotone, fit observer Gédéon Spilett. Bon, répliqua Pencroff, les meilleurs domestiques sont ceux qui parlent le moins. Et puis, pas de gage. Entendez-vous, mon garçon, pour commencer, nous ne vous donnerons pas de gage, mais nous les doublerons plus tard si nous sommes contents de vous. C'est ainsi que la colonie s'accrut d'un nouveau membre qui devait lui rendre plus d'un service. Quant au nom dont on l'appellerait, le marin demanda qu'en souvenir d'un autre singe qu'il avait connu, il fut appelé Jupiter, et Jup par abréviation. Et voilà, comme, sans plus de façon, Maître Jup fut installé à Granite House.